parle comme un Billy, habillé comme un Billy, je danse comme un Billy, la police veut un Billy, tout le monde connaît Billy. Frangin, on est en train de faire un clip là. Voilà Billy. C'est Billy. C'est bien les gars, reprends-le. Qu'est-ce qu'on comment on va faire, Noïssan? Oui, il est pas méchant, t'inquiète. Hi, Billy. Bon, vas-y, on va faire avec, hein. Alors. Et vas-y, on regarde, hein. Elle est sympa, ce Billy. Tout le monde connaît Billy, habillé comme un Billy, je danse comme un Billy, la police veut un Billy. Tout le monde connaît Billy, habillé comme un Billy, je danse comme un Billy, la police veut un Billy. Billy est con, Billy a faim, Billy veut tout prendre, Billy est malin, Billy traîne devant le charbon, il prend la relève quand il a pas one, Billy veut souvent sortir le machin, car il est pas trop kawan. Quand il faut tasser, ben Billy tasse. Quand il faut casser, ben Billy casse. Billy traîne avec ses chaînes de la casse. Billy veut qu'il fasse des passes. Billy veut s'habiller classe. Billy veut compter ses liasses. Il veut sortir le bolide Billy. Le week-end il sort le cross. Y'a l'équipe, il a pas de casque. Il veut se tiamant à lunettes pour gosse. Billy veut du haut de gamme. Billy touche pas la cam. Billy touche pas ta femme. Même les jaloux, c'est ses fans. Ils veulent tous tester Billy. Mais il fait plus de tête Billy. Il a un Uzi Billy. Il fait des wheeling Billy. Prise demande pourquoi ils sont finis. Billy est de la team Dioul. Il fait pas le mec, il achète l'album. Pendant les clips, il fait cracher la gomme et oublie ses problèmes avec un peu d'alcool. Il se la pète pas, Billy. Même s'il a pété le milli, il est discret, Billy. Un mec chez lui, tu sais qui lui? Billy, nananana. Billy, nananana. Billy, nananana. Billy, nananana. Tout le monde connaît Billy. Habillé comme Billy. Je danse comme un Billy. La police veut Billy. Tout le monde connaît Billy, habillé comme Billy, je danse comme un Billy, la police veut Billy. Billy est cool, Billy est à jeun, Billy n'a pas bu, parano avec le machin. Billy serre pas la main des traîtres, Billy fume pas le cul de ton pète, Billy fait cracher le pot de compète, Billy te défonce quand t'es à sec. Billy a trouvé Chiquita, mais à cause de la street il s'en occupe. Y'a dit demain, je viens t'inquiète pas, il se fait péter avec un kill de bœuf. Quand Billy se drogue pas, Billy rigole pas. Mais quand Billy se drogue, Billy est drôle. Tout le monde connaît Billy, habillé comme Billy. Tout le monde connaît Billy, habillé comme Billy. Billy, nananana. Billy, nananana. Billy, nananana. Billy, nananana. Tout le monde connaît Billy, habillé comme Billy. Je danse comme un Billy, la police veut Billy. Tout le monde connaît Billy, habillé comme Billy. Je danse comme un Billy. La police veut Billy. Billy, nananana. Billy, nananana. Billy, nananana. Billy, nananana. Tout le monde connaît Billy, habillé comme un Billy. Je danse comme un Billy, la police veut Billy. Tout le monde connaît Billy, habillé comme Billy. Je danse comme un Billy, la police veut Billy. Thank you.